Jim et l'autre c'était John. Leur sergent c'était George E. Carson. Au régiment, peu importe d'où l'on vient, s'il en marche, tout va bien. Le canon tonne, nos pas résonnent. Du gauche au malabar, chaud ou froid, soif ou faim, la mort vient à la fin, ni plus tôt ni plus tard, que l'ennemi soit blond ou noir. Cela t'est bien égal si tu dois crever ce soir. Johnny trouvait le whisky fat et Jimmy avait le ventre bien malade. Alors George, il est pris par les bras, tous les trois on avancera ou on crèvera. Du gauche au malabar, chaud ou froid, soif ou faim, la mort vient à la fin, ni plus tôt ni plus tard, que l'ennemi soit blanc ou noir. Cela t'est bien égal si tu dois crever ce soir. Jim fut tué, John a trouvé la mort, Georgie de son dernier sommeil d'or. Mais pour la guerre, on trouvera toujours du sang rouge qui coulera. Le canon tonne, non pas raison. Soif ou faim, la mort vient à la fin, ni plus tôt ni plus tard, que l'ennemi soit blanc ou noir, cela t'est bien égal si tu dois crever.